soleil pesait pisser son chien le long des rues, le long des rues. Quelle vie le chien, quelle vie le chien, se dit-il. Alors, c'était un garçon qui marchait, qui marchait, qui marchait, qui marchait toute la journée avec son chien. Il marchait. Sur les pieds le chien, mais c'est pas grave, se dit-il en lui-même. Il avait tellement de choses à faire. Il avait son calepin plein, il avait sa montre pleine de pompes, il avait son nez plein de crottes-nez. C'était embêtant, mais ça fait rien. Pourquoi? Parce que c'était un garçon qui marchait, qui marchait, qui marchait, qui marchait, qui marchait, qui marchait toute la journée avec son chien. Il marchait, il marchait, il marchait, et il était pissé sur ses pieds. Quel vite chien, se dit-il. Mais ça fait rien. C'est pas évident.